Victoire à mi-chemin, en raté de grand matin. Une strophe toute fraîche pour crier le bulletin. J'embouche sur la montagne, la trompette aux longs éclats. Sachez que le printemps gagne la bataille des mille hommes. Jeanne met dans sa pantoufle son pied qui n'est plus frileux. Et voici qu'un vaste souffle emplit les abîmes bleus. Oiseau chante, l'agneau monte, mais poussant des cris railleurs, crible l'hiver en déroute d'une mitraille de fleurs. Orphée au bois du calice, écoutez quand l'astre luit. Obscur et sinistre, des inconnus dans la nuit. Phtala, Sibylle, Thébène, voyait près de Figalé danser des formes d'ébène sur l'horizon étoilé. Échiré à la brune, en Sicile s'enivrait des flûtes du clair de lune qu'on entend dans la forêt. Pline oubliant toutes choses pour les nymphes de Millet. J'en veux.